J'sais pas, j'le vois tout gentil au final, non. J'trace ma route pour mes ennemis, j'suis le Ghost Rider. Trop coûté pour ça que la plupart me souhaitent le malheur. Oh, j'me donne les fuck et de garder mes valeurs. J'sais pas, j'le vois tout gentil au final, non. J'trace ma route pour mes ennemis, j'suis le Ghost Rider. Trop coûté pour ça que la plupart me souhaitent le malheur. Oh, j'me donne les fuck et de garder mes valeurs. J'en taille poto, j'en ai marre, je tourne en rond. Mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il arrive tout ça? Je pète un plan. Et toi tu parles, mais tu connais rien des choses, tu baves. Tu scannes, si on se croit, tu vas encore faire la pédale. Qui veut me dire quelque chose, je leur dis quand même. Quand je vais ressortir un son, ils vont tuper bizarrement. Tu sais que c'est oh, je traîne plus par là. Dans ma vie, y'a rien de bon, tout le temps j'en parle. Quitte ça. Mon rap c'est ma vie, je kiffe, kiffe, kiffe ça. Et je me vide, vide, vide, vide pas. J'ai même plus rien pour rire, dis-moi qui s'arrive ça. Pourquoi tu changes pour une girl? Et ouais mon frère dans tous les cas, comme ça tu finis seul. J'sais pas, j'le vois tout gentil au final, non. J'trace ma route pour mes ennemis, j'suis le Ghost Rider. Trop coûté pour ça que la plupart me souhaitent le malheur. Faut j'me donne les fuck et de garder mes valeurs. J'sais pas, j'le vois tout gentil au final, non. J'trace ma route pour mes ennemis, j'suis le Ghost Rider. Trop coûté pour ça que la plupart me souhaitent le malheur. Faut j'me donne les fuck et de garder mes valeurs. Ce que je pense c'est les mythos sur Pépé. Mais t'inquiète j'ai trop les yeux ouverts. Ouais tu veux mon avis, j'suis trop gentil, ils l'ont senti. Mais attends quand je vais serrer ça à faire. Bing bing bing bing gros. Je resterai toujours un team pique pique gros. Je ne répondais plus à leur pique pique gros. Avec le sens j'les nique gros. J'sais pas, j'le vois tout gentil au final, non. J'trace ma route pour mes ennemis, j'suis le Ghost Rider. Trop coûté pour ça que la plupart me souhaitent le malheur. Oh, j'me donne les fuck et de garder mes valeurs. J'sais pas, j'le vois tout gentil au final, non. J'trace ma route pour mes ennemis, j'suis le Ghost Rider. Trop coûté pour ça que la plupart me souhaitent le malheur. Oh, j'me donne les fuck et de garder mes valeurs. Oh, j'me donne les fuck et de garder mes valeurs.